Ma chère maman, je suis en bonne santé et je m'empresse de te dire que la vie est très agréable à l'école. On est maintenant habillés comme des vrais soldats. Sauf qu'on n'a pas encore de fusil. Si tu me voyais, tu ne me reconnaîtrais pas. On vient justement de nous couper les cheveux et je suis comme Chéri Bibi dans un livre que j'ai lu à la maison pendant les vacances. Le commandant de l'école, c'est Félix qui s'appelle. Il nous a passé en revue, il a presque autant de médailles que papa. Les gradés sont bien gentils avec nous. Il y en a des tas. Des adjudants-chefs, des adjudants, des sergents-chefs, des sergents, des caporaux. Ils nous apprennent à cirer le parquet dans les chambres. Comme ça, je pourrais t'aider à briquer la salle à manger quand je viendrai. J'ai été reçu 16e sur au moins 200 à l'examen. C'est pas mal, je trouve. On mange bien, même que j'en ai de trop et que j'en donne aux camarades parce qu'ils n'en ont pas assez. Si je ne devais pas aller en vacances à Noël, ça me ferait rien, tellement ici je suis heureux et fier. Mon adjudant de section, c'est Pommier qui s'appelle. Il ressemble beaucoup à papa, mais il a moins de moustache que lui. Il crie sans arrêt après moi et je crois que c'est sûrement pour mon bien. Devant l'école, quand on entre, il y a un monument, un beau. C'est pour les anciens enfants de troupe qui sont morts. Qui sont morts au champ d'honneur. Vivement qu'il y ait une autre guerre, pour que j'aille faire mon devoir. Je serai un héros moi aussi, et on marquera mon nom sur un monument. Comme ça, papa sera content de moi. Et le capitaine-major aussi, qui aime bien les héros. Encore une fois, ma chère maman, je suis très bien. Je sais que tu ne t'inquiètes pas trop et que d'abord papa t'en empêche. J'ai réfléchi même, et je pense que c'est fameux pour vous que je sois ici. Vous n'avez pas à me nourrir, à m'acheter des vêtements, ni à me rien faire quoi. Et c'est mieux pour vos économies, puisque tu disais toujours que c'était pas facile d'en faire avec moi. Papa pourra plus crier que je suis un croquant et que je sers à rien. Je t'embrasse et je me mets au garde à vous pour embrasser papa. Ton fils qui t'aime, Simon. On les voulait soldats. Soldats ils seraient et demeureraient, pour fortes que fussent les tentations ou leurs velléités de révolte. Qu'auraient-ils fait d'autre, pauvres êtres marqués de tant de tares, de tant de complexes. Fils de sous-off, devenu à la retraite facteur, gendarme, garde-barrière, surveillant de musée ou de jardin public, ils traînaient sur leur face et dans leur comportement les signes d'une totale passivité de corps et d'esprit. Serviteurs, larbins par héritage d'une caste considérée, puissamment autoritaires, rien ne leur permettait, croyaient-ils, de dénier la règle. Pour leur père, ignorant des ressources humaines et de la multiplicité des moyens d'élévation morale, il n'existait rien, en effet, de plus noble, de plus admirable, que l'asservissement à des caïdes patentés, dont l'épreuve du savoir, la justification des vertus, l'intelligence même, se vérifiait si facilement au nombre de galons et de médailles. Ces monstrueux enfants, crâne boursouflé, front réduit, prunelles éteintes, oreilles larges et pendantes, jambes torses ou par contraste anguleux et filiformes jusqu'au rachitisme, tous semblaient déjà prêts à jeter l'épouvante dans les casernes futures. Un zéro de plus, Simon Chalumeau, pour vous apprendre à être moins paresseux dorénavant. Les vacances de Noël ne vous ont guère profité, et vous aviez de meilleures notes au cours du premier trimestre. Que se passe-t-il, Chalumeau ? J'aime plus l'histoire de France, dit Simon, debout devant sa table de classe. Tiens, tiens, et peut-on connaître les raisons de cette lubie ? Il y a trop de guerres, il y a trop de batailles, on parle que de ça, c'est pas drôle, monsieur. Le professeur d'histoire essuya son lorgnon, le remit sur son grand nez busqué. Voilà une critique à laquelle je ne m'attendais nullement, surtout de votre part, fils de militaire. Vous êtes destiné, vous aussi, à la carrière des armes. Et pour peu que vous persévériez dans cette carrière, votre rôle sera de vous battre chaque fois que le pays fera appel à votre dévouement. S'il n'y avait pas eu toutes ces guerres, toutes ces batailles qui vous déplaisent, que serait la France, Chalumeau ? Quelle place aurait-elle, par exemple, au sein de cette société des nations dont l'humanité s'enorgueillit ? Réfléchissez, voulez-vous, ne sont-ce pas les guerres de Louis XIV, de Napoléon Ier, qui ont permis à votre patrie de repousser les frontières, de s'accroître, de donner au monde entier la mesure de sa puissance, de sa force conquérante, colonisatrice ? Et n'êtes-vous point fier de votre titre de Français, Chalumeau ? Voyons. « Je sais pas, monsieur, » dit Simon. « J'ai jamais pensé à ça. » Mais le sacrifice des Barras, d'Agricole Viala, des jeunes engagés volontaires de 14, de tous les héros morts pour que s'affermisse la grandeur de la France, ne vous touche donc pas, Chalumeau ? Ne frémissez-vous pas d'émotion, d'enthousiasme à la lecture des admirables exploits de ces martyrs ? » Simon parut hésiter. Il grattait la table de son index. « Non, monsieur, c'est beau peut-être, mais à moi ça me fait plus rien. » « Est-ce possible ?» Une deuxième fois, le professeur nettoya ses verres d'un coup de mouchoir. « Il faudra que j'avertisse vos supérieurs de ce curieux état d'esprit. » Bienvenue dans J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois à 17h sur Radio Dio 89.5 FM. Aujourd'hui, on est le 6 mars 2024 et c'est la 12e émission. Vous me voyez venir, une émission mensuelle, c'est la 12e, c'est donc l'anniversaire de J'irai pas. Mais bon, il n'y a rien d'exceptionnel à fêter, ça serait tellement mieux qu'il n'y ait pas de militarisme. Il n'y aurait pas besoin de faire cette émission, c'est vrai quoi ? Tous les mois, je vous parle de choses horribles, cyniques, de propagande, de manipulation. Bref, je vous parle de l'air nauséabond qu'on respire depuis des décennies. Mais depuis un an, je vous parle aussi de gens qui résistent à la militarisation. Des femmes face aux missiles au Royaume-Uni, des insoumis au service militaire dans la région lyonnaise ou en Israël, d'actions récentes contre des entreprises d'armement, de blocage d'usines ou de ports, de manifs, d'assemblées, de collages ou de projections de films. Ça plutôt, ça fait plaisir. Et c'est un des buts de cette émission. Propager les idées et les actes antimilitaristes. Dénoncer les actes des gouvernants et des industriels, mais aussi des journaux qui ont leur part dans la normalisation de l'acte guerrier et la banalisation de l'armée. Au fond, depuis un an, cette émission se propose de nager à contre-courant de cette époque de destruction pour montrer que non, s'enrôler dans l'armée ou produire des armes ne sont pas des choses anodines, qu'il n'y a pas de devoir sacré, ni de sauveur suprême, hein. Et que les rouages mortifères bien huilés de la guerre, de l'ordre et de l'économie profitent toujours aux dominants. J'ai introduit cette émission par une lecture d'extrait du roman « Allons enfants » de Yves Gibeau, paru dans les années 50, qui suit l'histoire de Simon Chalumeau, gamin de 13 ans, incorporé à l'école militaire, qui découvre le métier militaire et n'en veut pas. C'est un roman que j'ai bien aimé puisqu'il montre la vie en caserne et combien il est difficile, seul, de résister à la hiérarchie, à la discipline militaire, au patriotisme et à l'appel du clairon. Je vous laisserai le découvrir, l'histoire de ce jeune réfractaire. Et en parlant de réfractaire, le mois dernier, on parcourait le livre de Michel Auvray, « Objecteur, insoumis et déserteur ». On s'était arrêté au chapitre 6. Le chapitre 6, c'était l'effroyable hécatombe, la guerre de 14-18. Alors, il la résume très bien du côté des réfractaires en une quinzaine de pages. Du coup, c'est difficile de faire plus résumé, mais je peux lancer quelques idées. Si on veut plus de détails, on pourra lire ce livre. Ou alors lire le livre « Trop jeune pour mourir » de Guillaume d'Avranches, qui s'est concentré sur le mouvement révolutionnaire à la veille de cette guerre. Pour revenir à Michel Auvray, et d'Avranches, il en parle aussi dans son livre, il montre quelque chose de terrifiant et d'incompréhensible pour moi. L'union sacrée. L'union sacrée, disais-je, ce moment où en quelques jours seulement, tout le monde se rallie à la cause guerrière contre l'Allemagne. Alors, Il avait déjà parlé d'une banalisation du service militaire depuis la Troisième République, de l'essor du patriotisme qui a dû aider aussi. Mais même l'état-major est surpris, il s'attendait à 13% d'insoumis, il y en aura 10 fois moins. 1,5% seulement des appelés s'insoumettront à la mobilisation. Et dans les premiers jours, très peu de réactions contre la guerre. Alors que avant que la guerre soit déclarée, le mouvement ouvrier était menacé d'une grève générale insurrectionnelle en cas de guerre, quoi. Mais les menaces de répression du mouvement ouvrier, la censure, la propagande, tout ceci contribuera à la fièvre cocardière qui s'empare des foules et qui l'emmènera à partir la fleur au fusil contre l'agresseur. Et ouais, cette rhétorique fonctionne aussi. Comme la France ne, avec des guillemets, voulait pas la guerre, elle est agressée. Ce n'est donc pas notre faute, alors allons-y gaiement se faire trouer la peau. Pendant cette guerre, il y aura quelques résistances tout le long qui seront durement réprimées. Les personnes seront traitées de défaitistes ou carrément de germanophiles. Pas mal chez les instits qui refuseront de faire la propagande à l'école, de faire chanter toutes ces chansons patriotiques et va-t'en guerre pendant la guerre, quoi. Et Michel Auvray note que en 1917, on atteindra pour le coup un pic de protestation, avec certes l'effet de la révolution russe, mais aussi parce que les soldats sont lessivés. Et ouais, parce que sur les presque 4 millions de soldats mobilisés, en 1917, il en reste moins d'un million en capacité de combattre. Donc il faut comprendre que beaucoup sont morts, énormément sont blessés, et d'autres ont déserté. C'est déjà l'hécatombe. Alors, l'État ratisse plus large. Il rappelle les réformés, ceux qui avaient échappé à la mobilisation, pour leur faire un deuxième examen, voir si au juste, ils ne pourraient pas revenir combattre. Et l'État envoie aussi au front plus d'ouvriers dont on avait besoin d'eux à l'époque pour fabriquer de l'armement. Mais en les remplaçant par de la main-d'œuvre étrangère, on peut envoyer encore plus d'ouvriers au front, ce qui va provoquer aussi un nouvel essor de l'agitation pacifiste. Dans le coin, on peut noter les actes de Clovis Andrieux et ses potes, lui, il était un peu vers Firminy. Et il a mobilisé pas mal de fois pour dire non, mais on arrête tout, on va plus à la guerre, on fait la révolution. Bon, ben, il sera envoyé deux fois au front parce qu'il était un peu trop gênant au milieu des ouvriers. Et voilà, mais comme vous le savez, cette guerre ne s'arrêtera que fin 1918. Et après cette hécatombe, une nouvelle forme de combat antimilitariste se médiatise, celle de l'objection de conscience. Les appelés, qui refusent l'uniforme, entre autres, et les armes. Bien sûr, parmi eux, il y a des libertaires, mais aussi les milieux religieux, qui récusent leur théorie de la guerre juste, qui durait depuis des siècles. Alors, on peut faire deux citations. Premièrement, celle de Tolstoï. Donc, c'est Michel Auvray qui les recite dans son bouquin. Alors, celle de Tolstoï qui dit ça. Ta conscience ne peut être qu'en toi, et non chez le caporal ou tout autre chef. Personne ne peut décider pour toi ce que tu peux, dois ou ne dois pas faire. L'homme est toujours responsable de ce qu'il fait. Et la dernière phrase qui va avec le christianisme de Tolstoï, les vrais chrétiens doivent refuser de se soumettre au service militaire. Et une autre citation, celle de six théologiens qui signent une déclaration en 1928 à propos de la guerre juste, justement. Alors, ce que je vous rappelle, le mois dernier, on avait parlé de l'Église qui considérait qu'il y avait des guerres justes pour lesquelles leurs obédients pouvaient prendre les armes, quoi. Et alors, cette déclaration, qui date de 1928... Aujourd'hui, où la guerre est devenue un système de destruction anonyme et de massacre généralisé, sans aucune finalité de justice distributive, avec des moyens atroces, en complète opposition à la fin prétendument poursuivie, Il n'y a plus de distinction morale fondamentale entre agression et défensive. Tiens, tiens, on parlait de la rhétorique de l'agresseur et du défenseur. D'ailleurs, dès que celle-ci commence à s'exercer, elle s'identifie criminellement à l'attaque, l'opposition entre la défense et l'attaque. Autrement dit, une guerre juste est aujourd'hui impossible. Et même si elle était possible, on ne pourrait pas l'admettre par suite de son caractère apocalyptique, indigne de l'homme. Par conséquent, le refus du service militaire devient un devoir objectif pour tout catholique voulant rester fidèle à l'enseignement de Jésus et conscient de la criminelle absurdité de la guerre. Bon, alors ça, c'est pas mal quand même. Et au passage, quand ils disent « apocalyptique », on peut rappeler le nombre de morts de la Première Guerre mondiale, parce que les personnes qui signent cette déclaration, j'imagine, sont meurtries, elles aussi, par le résultat de la Première Guerre mondiale, qui a fait autour de 18 millions de morts en Europe. Et on peut compter 9 millions de militaires et 9 millions de civils, quoi. C'est moite-moite pour, entre les militaires et les civils. Mais aussi, cette guerre est la première étape du passage à une guerre industrielle. On a entendu parler des gaz empoisonnés, le gaz moutarde, des bombardements, de la dévastation à grande échelle. Donc, les appelés par la suite, objecteurs, auront pas envie de s'engager dans l'armée, pas envie, ils auront envie de faire la grève de la guerre, quoi. Mais ils auront des peines de prison pour avoir refusé le service ou refusé de porter les armes ou l'uniforme. Et au sortir de la prison, ils seront à nouveau appelés, donc à nouveau condamnés, donc à nouveau remis en prison. Et objecteur, bon, on en parlera après. Mais il y a un problème. C'est un choix individuel. Ça colle avec la sphère religieuse et eux ne veulent pas que ça déborde. Ils ne veulent pas de troubles sociaux. Et l'État non plus. L'État voit d'un mauvais œil qu'on commence à faire de la pub à ses objecteurs. Si bien que... J'ai perdu mes notes. Voilà. Si bien que le ministère de l'Intérieur dira ceci. Donc là, c'est dans les années 30. On a avancé un petit peu dans le bouquin. Le ministère de l'Intérieur, alerté par son collègue le ministre de la Guerre, qui lui signale la gravité des effets qu'une pareille propagande a produit chez de jeunes soldats, des réservistes et même des officiers de réserve, est à ce point inquiet qu'il envoie au préfet une circulaire leur demandant de se mettre en rapport avec les autorités militaires afin de poursuivre activement la lutte contre cette dangereuse agitation. On se rappelle de l'émission avec Guy, c'était en novembre je crois, qui nous parlait des antimilitaristes de Lyon, qui a été très surveillé dans les années 70. Et ouais, comme quoi je me répète depuis un an, tous les actes antimilitaristes étaient aussi surveillés. Alors là, c'était une circulaire qui date de 1933. En plus de ces objecteurs, il y aura aussi les anciens soldats qui, parce qu'ils ont vécu la guerre et ne veulent plus du tout la revivre, ou bien parce qu'ils ont subi l'armée et ne veulent plus du tout y avoir affaire, renvoient leur livret militaire. Bah, moi, au début, j'avais pas compris ce que ça signifiait. Bon, on renvoie son livret militaire, mais Michel Auvray nous explique que ça a une importance notable. En fait, le livret militaire reçu par chaque soldat au terme de son service actif, cette pièce d'identité militaire lui assigne une affectation militaire précise en cas de mobilisation. Prévue pour faciliter la réquisition de tous les hommes valides, ce fascicule voyait sa fonction confirmée lors de la convocation d'anciens soldats qui, devenus réservistes, étaient appelés à effectuer des périodes d'entraînement. La possession obligatoire d'un tel document, qui consacre l'appartenance administrative à l'institution militaire, illustre de fait l'adhésion personnelle des individus à l'armée. Donc comme je disais, au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait des soldats, des anciens soldats ou des officiers qui se sont débarrassés de tous leurs effets militaires et qui ont renvoyé leur livret militaire. Et à ce propos, donc moi je ne me rendais pas compte que c'était aussi important, quoi, le livret militaire, qu'en fait il permettait la mobilisation des anciens soldats, quoi, qui étaient réservistes en cas de besoin, tout simplement. Hein. Et à ce propos, je me permets de faire une toute petite parenthèse, donc c'est pas dans le bouquin, mais c'est un peu la même époque. À propos de René Carmille. René Carmille, c'est un officier d'état-major français, polytechnicien. Et en décembre 1934, il propose, pour faciliter la mobilisation des classes d'âge successives, un numéro matricule à 12 chiffres fondé sur la date et le lieu de naissance et destiné à être attribué aux garçons dès leur déclaration à l'état civil. Ça vous rappelle rien ? Eh ouais, c'est l'ancêtre du numéro de sécu. Et il a été inventé par un militaire pour faciliter le service militaire. Alors en décembre 34, il propose d'attribuer ce numéro aux garçons. Il va faire une petite visite à l'Allemagne nazie, d'où il rapporte un modèle de carte perforée, la mécanographie, grâce auquel il souhaite améliorer l'administration du fichage, et notamment l'administration militaire. Mais quand vient la débâcle, il occupera un poste au service de la démographie et entreprend de ficher toutes les personnes nées dans les 65 dernières années, en rajoutant un 13e chiffre au début de son numéro à 12 chiffres, en mettant le chiffre 1 pour les hommes, 2 pour les femmes. C'est le futur numéro de sécu. Et à partir de là, il y a controverse. Je vous laisserai voir son article sur Wikipédia. Parce que cet outil mécanographique est hyper puissant. Et notamment quand le commissariat général aux questions juives s'intéresse aux statistiques et à la démographie, on attribue, du moins Wikipédia, attribue à René Carmille d'avoir volontairement ralenti le fichage antisémite et plutôt d'avoir tenté d'utiliser son système pour faire une liste d'anciens soldats aptes à former des divisions d'armées de libération. Enfin, cette parenthèse pour dire que l'identification en termes militaires, c'est quelque chose de crucial. Peut-être qu'on en parlera si on a le temps quand on parlera de l'Ukraine dans les actualités. Alors, est-ce que je vais faire une petite pause maintenant? On va écouter La rue des Lilas. On va écouter un morceau espagnol qui s'appelle Rebellion Medieval de Tijuana in Blue. Alors, on est de retour dans les années 30 avec le bouquin Objecteur insoumis, déserteur de Michel Auvray. De retour dans les années 30 où il y aura des luttes en soutien aux objecteurs, des luttes au pluriel parce que, évidemment, tout le monde ne sera pas d'accord. Faut-il réclamer un statut d'objecteur ? Faut-il faire un service civil en échange ou juste rien ? Les différentes tendances libertaires et les différents courants religieux apporteront chacune des réponses différentes. Et la conclusion du chapitre qui parle des années 30, la voici. Refus radical d'accepter que l'État dispose de la vie des individus et les soumette à la conscription, même sous son avatar non militaire d'un côté, désir de faire preuve de sa bonne foi et volonté de promouvoir un service constructif de l'autre, ces deux tendances antagoniques, issues respectivement des courants libertaires et chrétiens, vont persister chez les objecteurs, soit qu'elles se succèdent, soit qu'elles coexistent au sein même du mouvement. Puis arrive la drôle de guerre avec des guillemets, qui n'a rien de drôle, mais qui est, pour l'armée française en tout cas, très courte, puisque très rapidement, c'est l'armistice signé par Pétain et l'occupation. Alors, là encore, il y a plein de choses à dire, mais rapidement, on peut noter quelques trucs du chapitre 8 de Michel Auvray. Premièrement, puisque la France a signé l'armistice, elle n'a plus le droit de faire de service militaire. Son armée est réduite à 100 000 personnes et elle n'a plus le droit de faire de service militaire. Il lui faudra trouver autre chose pour embrigader la jeunesse. Alors, Vichy invente les chantiers de la jeunesse française. Mais attention, hein, c'est pas militaire. Mais ça sert à embrigader les jeunes, quoi. Comme peut-être le service national universel dont on parle pas mal de fois dans cette émission. Il y aura peu d'opposition au chantier de la jeunesse française, mais quand commencera le travail forcé, là il y aura un peu plus d'opposition. Comme le faisaient autrefois les réfractaires au service militaire, les réfractaires au travail forcé gagnent la campagne et plus particulièrement les forêts ou les régions montagneuses, moins surveillées, peu accessibles et de fait propices à les préserver des recherches. Jusqu'alors non engagés, devenus disponibles pour l'action, ils sont peu à peu recueillis dans des camps de réfugiés improvisés à la hâte par les mouvements de résistance. Et effectivement, il y aura encore plus de réfractaires au STO, au service du travail obligatoire, qui débute en février 43, qui iront eux aussi probablement garnir les maquis de la résistance. On va s'arrêter là dans cette recension des chapitres 6 à 8. Le chapitre 9, il parlera de la guerre d'Algérie et du coup des oppositions différentes à cette guerre. Et on peut, pour conclure, on peut citer cette remarque amère à propos de la Seconde Guerre mondiale, cette remarque amère de Michel Auvray, parce que cette Seconde Guerre mondiale, elle se conclut par Hiroshima, Yalta et Nuremberg, trois noms de villes qui symbolisent toute l'horreur du massacre et consacrent l'ampleur des bouleversements qui en sont issus. Hiroshima, l'utilisation de la bombe atomique. Yalta, où les puissants vainqueurs se partagent la planète et divisent le monde en deux blocs antagoniques. Et Nuremberg, ce procès qui, pour la première fois, va mettre la responsabilité personnelle des individus devant le crime collectif. Pour la première fois, l'obéissance aveugle aux ordres est tenue pour coupable par un tribunal instauré par quatre États. Et donc il va même jusqu'à citer le procureur britannique qui fait lucidement remarquer ceci. Il vient un moment où l'homme doit refuser d'obéir à son chef s'il veut obéir à sa conscience. Et donc c'est assez amèrement qu'on peut citer cette déclaration du procureur britannique pendant le procès de Nuremberg, parce que en fait ça fait déjà des dizaines d'années que des personnes sont emprisonnées parce qu'elles refusent d'obéir au joug militaire, parce qu'elles refusent de servir la guerre, de s'enrôler, et de participer à l'armée, quoi. Et du coup, bah là, pour les procès de Nuremberg, on invoque la responsabilité individuelle et l'objection de conscience par rapport aux actes horribles perpétrés par le gouvernement nazi. Mais en fait, on pourrait étendre cette objection de conscience à peu près tout le monde qui refuserait d'obéir, de servir la guerre et l'armée. Allez, on passe un autre petit morceau qui s'appelle « Morireis como imbéciles ». Ça vient d'une compile qui s'appelle « Rock Antimili », une compile espagnole. Le 9 février dernier, à La Dérive, un local rue du Rafour à Saint-Étienne, était projeté le film Zelab sur l'industrie militaire israélienne. J'ai vu ce film et je me suis dit que ça pourrait valoir le coup d'en parler dans cette émission. Je vais donc essayer d'en faire un résumé. Ce film, du réalisateur israélien Yotam Feldman, date de 2013. Il n'intègre donc pas tous les nouveaux développements de la guerre et du commerce de la guerre. Mais même s'il n'est pas à jour de dernière trouvaille, il n'en est pas moins actuel, puisque ce qu'il montre avant tout, c'est une logique générale. Cette logique générale peut non seulement être extrapolée, il me semble, dans le temps, elle peut aussi être sortie du seul contexte israélien, du contexte de la guerre que l'armée israélienne mène sur les territoires palestiniens, et être vu comme s'appliquant aujourd'hui à toutes les guerres et à l'industrie de la guerre dans sa globalité, voire même au-delà, à l'industrie, au système capitaliste et marchand dans son ensemble, système dont la guerre fait partie. Bref, le réalisateur a introduit son film en disant qu'il parle d'Israël et de la guerre, mais il parle en réalité aussi, beaucoup même, du commerce et de la marchandise. Et rend donc particulièrement évident le constat que la guerre et le commerce vont ensemble. Qu'est-ce qu'on voit dans ce film ? Eh bien, on y voit comment les nouvelles armes et le savoir-faire militaire israélien sont mis au point. On y voit comment la guerre et les territoires palestiniens servent de laboratoire au développement de ces armes et de ces tactiques. On y voit comment ensuite ça sert d'argument de vente. Bah oui, parce que les produits issus de ce laboratoire grandeur nature, armes, véhicules militaires, autres matériels dits de sécurité, entraînement à leur utilisation, techniques de combat et de guérilla urbaine, et même des formules mathématiques, tous ces produits qui sont testés et développés dans les différentes opérations menées sur les territoires palestiniens, ces produits s'exportent et ont même beaucoup de succès sur le marché de la guerre. La taille du marché augmente d'année en année. L'armement israélien représente une source de revenus considérable. Son expérience de la guerre, a rapporté à l'industrie militaire israélienne des milliards de dollars. Le miracle économique israélien repose sur la guerre. C'est grâce à la guerre qu'Israël est devenu le quatrième plus grand exportateur d'armes dans le monde. Des centaines de milliers d'Israéliens vivent donc de l'industrie de la défense, pendant que des militaires, des flics et autres corps de maintien de l'ordre d'une douzaine de pays affluent en Israël pour acheter des armes et pour se faire entraîner. Une douzaine de pays, c'était en 2013, ça doit être plus aujourd'hui. Ce film raconte donc comment Israël a capitalisé sur la guerre, comment c'est sur la guerre qu'Israël a bâti sa prospérité et sa compétitivité. Et l'argument de vente est imparable. Pendant un salon de l'armement, le réalisateur demande au ministre du Commerce et de l'Industrie, donc en 2013, pourquoi les produits israéliens sont aussi demandés. Ce ministre, par ailleurs un ancien général, on voit bien là le plan de carrière, répond, eh bien c'est simple, les gens préfèrent acheter des produits qui ont été testés. Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée. On peut dire aux clients qu'on s'en sert depuis 10-15 ans. Voilà, c'est simple. Si les armes israéliennes et le savoir-faire de l'armée israélienne se vendent bien, c'est parce qu'ils ont été testés et approuvés en conditions réelles, dans les villes et villages réels, sur des gens réels. C'est l'accès à ce laboratoire qui fait que les armes qui sont mises au point en Israël sont de plus en plus, dit-on, intelligentes, c'est-à-dire de plus en plus efficaces pour ceux et celles qui les manient et donc de plus en plus dangereuses et létales pour ceux et celles que ces armes visent. Alors, c'est courant d'utiliser des chiffres dans des argumentaires commerciaux pour prouver l'efficacité d'un produit. Alors là aussi, on met en avant les statistiques de l'amélioration des performances, à savoir plus précisément le ratio entre les pertes humaines des deux côtés du front. Par exemple, prise de Nablus en 2002, un soldat israélien tué contre 70 Palestiniens. Opération Plomb Durci en fin 2008, 11 soldats israéliens tués contre 1200 Palestiniens. 6 milliards de dollars de vente d'armes l'année suivante. 2012, nouvelle opération à Gaza, 2 soldats israéliens tués pour 169 Palestiniens. Vente d'armes, 7 milliards de dollars en 2012. Et ainsi de suite. Pour produire ces chiffres, pour tester et approuver les armes sur le terrain, il faut que le laboratoire continue à exister. Et c'est donc ainsi, nous dit ce film, que la guerre fait désormais partie de la vie normale. Quand une opération s'arrête, c'est pour en commencer une autre. Une nouvelle expérience, nouvelle situation, nouvelles opportunités de parfaire le savoir-faire, nouvelles armes, nouveaux marchés. On sait qu'une guerre peut être une opportunité économique. On connaît bien le discours militant un peu, disons, facile contre les profiteurs des guerres, contre tous ces vendeurs peu scrupuleux qui font leur beurre sur le malheur. Alors là, il me semble qu'on va plus loin, puisque ce film nous montre que la guerre n'est pas seulement une opportunité, que la guerre et son industrie sont un secteur économique à part entière, avec ses innombrables marchés, sa concurrence, ses indicateurs de performance et ses laboratoires, avec la même logique marchande, les mêmes procédés d'aliénation, de dépossession et d'exploitation, les mêmes objectifs de profit que n'importe quel autre secteur économique au final. En regardant ce film, je me suis dit que c'est parce que ces logiques et ces mécanismes sont appliqués à la guerre que leur cynisme apparaît dans toute son horreur, que ces choses-là choquent particulièrement dans le cadre du commerce de la guerre, parce qu'ils se nourrissent directement de la mort, mais que finalement le même schéma peut être appliqué au reste de l'industrie, à tous les marchés qui régissent finalement notre monde de merde. Toutes ces industries, ces marchés qui ont toujours besoin de nous et qui donc nous enrôlent pour produire, pour acheter ou pour tuer et se faire tuer en dernière instance. Désolé, petit problème technique, on va reprendre. Bon, avant les problèmes techniques, on était en train de parler du film Zelab sur l'industrie militaire israélienne. Et je disais donc que ce film, qui parle de la guerre, faisait voir toute l'horreur de la logique marchande au sens beaucoup plus large. Alors comment est-ce qu'on arrive à ce genre de conclusion ? Dans la version originale, il y a très peu de commentaires et il n'y en a pas vraiment besoin. Je dis version originale parce qu'il existe aussi une autre version de ce même film adaptée pour la télé belge, je crois, en français. Et dans cette version qui n'est pas intitulée The Lab, mais Vendeur de guerre, eh bien, pas mal de choses ont été remaniées au point où ça devient presque un docu comme un autre, beaucoup moins percutant à mes yeux. Bref, si vous voulez voir ce film, vous visez plutôt la version originale. Donc je disais que dans la version originale, il n'y a pas ou presque pas de commentaires du réalisateur. Ce qu'on y voit et entend surtout, ce sont des témoignages d'un certain nombre de gens qu'on pourrait qualifier de vraiment de gros méchants. Inventeurs et vendeurs d'armes, de formation, d'autres services militaires et de sécurité, qui ont tous comme particularité d'être ou d'avoir été des militaires dans l'armée israélienne. Alors la distinction entre être et avoir été est par ailleurs pas très opérante, puisque comme le dit un de ces VRP haut de gamme, un ministre de la Défense ne s'occupe pas que de la guerre, il doit trouver des marchés pour l'industrie de la défense, ça va ensemble. Bref, dans ce film, on voit beaucoup de militaires entrepreneurs qui ont su capitaliser sur le conflit israélo-palestinien et les différentes opérations successives. Ce que ces gens disent est tellement cynique et sidérant qu'on se demande comment le réalisateur a réussi à les faire témoigner, à leur faire formuler ces choses si choquantes. Bon, la réponse, c'est peut-être que très certainement, ils ne voient pas de problème à dire ce qu'ils disent et à être ce qu'ils sont, puisque, entre autres, ils font ce dans quoi ils se considèrent comme bons, performants. Alors, dedans, il y a par exemple un honnête inventeur qui aurait pu devenir artiste. C'est ce qu'il dit, hein, sans blague. Il aurait pu devenir artiste s'il n'avait pas eu de guerre. Mais comme il y a eu la guerre, et ben, du coup, il est devenu militaire. Puis à trouver où déployer sa créativité et à gagner du fric, un mec bien, quoi, enfin, qui protège son pays, les siens, et qui reste créatif en plus. Son principal fait d'arme est d'avoir inventé un fusil pliable, le corner shot, qui permet de viser et de tuer sans se montrer, en se cachant derrière, par exemple, l'angle d'une maison. On voit la cible sur un écran, seul dépasse donc l'avant de l'arme pliable. Et cette avante de l'arme peut même être dissimulée, par exemple, dans un étui en forme de chat en peluche. Une autre trouvaille dont notre inventeur a l'air fier parce que bah, ça peut servir en combat urbain, on comprend quoi. Voilà, il y a donc plusieurs modèles adaptés aux différents besoins, différentes distances. Il y a même un qui peut être manié d'une seule main, ça se vend très très bien. Même Angelina Jolie en fait de la pub dans un film. Il y a aussi un mathématicien consciencieux, accessoirement ancien général, qui ne veut pas s'attribuer tous les lauriers de l'élaboration d'une formule mathématique de destruction d'organisations politiques ennemies. Alors une formule qui permettrait de mener une guerre ciblée, donc un peu plus propre. Il y a aussi un philosophe complètement surexcité, dont on n'arrête pas de voir les gros muscles par ailleurs. Un philosophe, donc employé par l'armée, qui dit certes sur comment l'autre est une opportunité de se découvrir autrement et d'accomplir ce qu'on ne sait pas. Donc en gros de tuer le fameux autre d'une autre manière. Un philosophe donc de l'armée, devenu théoricien de l'art militaire dans des conditions non conventionnelles, par exemple dans une casbah, qui forme à ses tactiques les forces armées du monde entier, entre autres les officiers, des officiers états-uniens, notamment après la guerre en Irak et en Afghanistan, qui se sont rendus compte que c'était quand même assez pratique d'être formé dans des conditions non conventionnelles. Alors il y a aussi un autre ancien militaire qui a fait son devoir en concevant l'une des opérations contre les territoires palestiniens, j'en ai parlé tout à l'heure, plomb durci, donc 2008-2009. Alors lui, il n'hésite pas à dénoncer l'hypocrisie. Les militaires des pays occidentaux, dit-il, des pays parmi lesquels certains critiquent Israël, eh bien ils affluent en Israël pour savoir comment Israël a fait pour transformer le sang en or. Donc autant être honnête. Voilà, bah, y a d'autres y a d'autres gens. Il y a une gentille famille d'instructeurs militaires, par exemple, qui tuent en toute parité. Il y a même un VRP socialiste. C'est un ancien sergent, un reconverti aussi. Socialiste, bah, c'est plus efficace pour vendre des produits de l'industrie de guerre israélienne à des régimes de gauche, quoi. Notamment ceux, par exemple, qui étaient catalogués à gauche en Amérique du Sud dans les années 2000-2010. Et qui n'étaient pas officiellement tous alliés politiques de l'État d'Israël. En gros, à chaque marché, son VRP. On le voit, on voit ce personnage-là, vers la fin du film, on le voit former des flics et des militaires à la guérilla brésilienne, à la guérilla urbaine dans les favelas de Rio, 44 morts en une seule journée d'affrontement suite à sa prestation. Alors voilà, pour le résumé, n'hésitez pas à voir ce film, donc c'est The Lab de Yotam Feldman. Et si on veut des mises à jour, il y a aussi un article publié par Mediapart en début de cette année qui montre comment aujourd'hui la bande de Gaza sert de zone d'essai pour les armes israéliennes, selon exactement la même logique que celle décrite dans le film dont je viens de parler. Cet article raconte donc comment l'industrie de la guerre continue à innover et monte en gamme, comment elle devient aussi de plus en plus high-tech. Entre bien d'autres de ces innovations issues de ce dernier épisode, eh bien, il y a un système de définition de cible par intelligence artificielle appelé usine à cible par l'armée israélienne. Une cible, on est d'accord, ça peut être une personne humaine ou un bâtiment contenant des humains. Eh bien, ce système est basé sur l'intelligence artificielle et il mouline une quantité astronomique d'informations à une vitesse fulgurante. Il livre en temps réel, 24 heures sur 24, des cibles en nombre supérieur à ce que des dizaines de milliers d'officiers pourraient faire. Ça, c'est une citation de l'article. Il va de soi que les exécutants humains n'ont pas le temps de vérifier quoi que ce soit, ce qui revient à tuer, à détruire à une très grande échelle et à déléguer aussi à la machine la décision de qui tuer. La guerre elle-même devient donc une machine. Mais ça, c'est un autre sujet, très vaste sujet, je vais donc m'arrêter là. J'irai pas, j'irai pas. J'irai pas autrement. Et voilà, vous êtes toujours sur J'irai pas, une émission antimilitariste tous les premiers mercredis du mois sur Radio Duo à 17h. Et on a entendu une recension de ce film, du coup The Lab, par Yotam Feldman. Et ça nous fait une bonne transition vers les actualités. Alors il nous reste à peu près 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans les actualités? Ben justement, on a entendu parler de différents ministres de l'armement qui vendent leur matos et qui sont aussi des VRP de l'armement. Eh ben, quoi de mieux pour suivre nos ministres? Pour le coup, ce ne sont pas des ministres israéliens, mais si on va sur défense.gouv.fr, on peut lire que le ministère des armées a lancé avec son homologue ukrainien la coalition artillerie pour l'Ukraine, avec les États-Unis aussi. Et cette coalition vise sur le long terme à construire la future artillerie ukrainienne au moyen de, je cite, « partenariats industriels ambitieux et innovants ». Eh oui, le Cornu en a profité pour annoncer l'accélération des cadences chez Nexter, ce gros groupe industriel qui produit les canons Kaysar. Mais il s'intéresse aussi aux petites et moyennes entreprises. Il était par exemple à Labège, près de Toulouse, dans les locaux de l'entreprise Delaire, le 29 février. Et ouais, pour annoncer que la France va lancer un appel d'offres pour 2000 tout mignons drones kamikazes. Donc, on peut aussi lire sur défense.gouv.fr. D'ailleurs, c'est un article qui s'appelle « Les 7 enseignements de la guerre en Ukraine ». C'est qui a été écrit à l'anniversaire du début de la guerre en Ukraine. La principale innovation que l'on perçoit concerne les drones et les mini-drones. Et donc, c'est pour ça que le Cornu se déplace chez des industriels, cette petite entreprise qui s'appelle Delaire, vers Toulouse. Pour aller dans le même sens, le magazine L'Usine Nouvelle titrait le 1er mars « Les usines d'armes tournent à plein régime ». Deux moteurs de la commande, la LPM, la loi de programmation militaire, est un des moteurs d'une expansion de l'industrie militaire et bien sûr la guerre en Ukraine. Cet article de l'Usine Nouvelle hein, qui trouve ça fabuleux, qui nous livre une carte aussi où on peut voir les différents gros industriels de l'armement qui sont en contrat avec la DGA, nous dit aussi qu'en 2023, par exemple, la DGA a passé commande pour 20 milliards d'euros de matériel d'armement, matériel militaire, quoi. 20 milliards d'euros. Et je sais plus, il manquait 12 milliards pour les retraites, non bah, du coup, non, on va devoir bosser jusqu'à 64 ans. Alors, ça c'était un peu pour les industriels de l'armement. Il me semble que j'avais quelque chose d'autre à dire On parlait de thunes. Oui, on parlait de thunes. Alors du coup, après deux échecs, voilà que à partir d'hier, rebelote au Sénat, on a à nouveau adopté le projet de loi qui vise à faire du livret A aussi un financeur de l'industrie de défense. Le livret A, pour rappel, c'était un financeur du logement social et de l'écologie, je crois. Et du coup, voilà, le Sénat a adopté en première lecture le fait que le livret A servirait à l'armée. Et en fait, ils avaient déjà validé ça deux fois de suite dans les mois qui précédaient. Et à chaque fois, ça avait été retoqué. Ils retentent le coup. Et si ça marche pas, il me semble qu'il y a des députés socialistes ou des sénateurs socialistes qui proposent, si ça marche pas, de faire un livret qui s'appellerait livret souveraineté défense. Comme ça, les personnes pourraient mettre leurs sous dans ce livret pour financer directement la défense. Voilà, il se trouve qu'il y a plusieurs personnes qui trouvent ça dégueulasse qu'on utilise leur économie pour l'industrie de l'armement. Allez, on change presque de sujet, on va écouter un tout petit morceau. Alors, il est un peu faible. On va écouter un tout petit morceau, ça dure 10 secondes, alors attention. Allez, on le remet pour être sûr. Et je vous fais les sous-titres. En fait, c'est une vidéo où on voit une cinquantaine de jeunes du SNU qui font une petite choré toute mignonne. Et cette vidéo, elle a été tweetée par la direction départementale de l'éducation nationale de Montpellier. Et on va voir pourquoi elle a été supprimée juste pas longtemps après. Et ouais, c'était la cérémonie de clôture. C'était la cérémonie de clôture du stage de cohésion du SNU à Palavas dans l'Hérault. Et où on voit cette cinquantaine de jeunes faire une choré au son du gospel religieux. Allez, non, on va pas l'écouter 50 fois non plus, voilà. Et alors du coup, la direction de l'éducation nationale a tweeté ce truc-là. Et elle s'est rendue compte qu'il n'y avait pas trop de laïcité à faire chanter et chorégraphier les jeunes d'une chanson qui dit que Jésus lave nos péchés, etc. Du coup, ça l'a fouté un peu mal. Bon, alors il se trouve que ce stage du SNU, dans le sud, là-bas, il avait aussi été grillé parce que en fait, on faisait de l'entraînement au tir avec des pistolets. Alors c'était peut-être le stage de la version de l'année d'avant, mais du coup bravo le SNU. Et pour rester dans la même région, on peut citer ce petit article du Canard Enchaîné qui dit Ménard nage dans son uniforme. Et ouais, l'entente cordiale entre la Macronie et l'extrême droite a repris un coup de jeûne lundi 26 février à Béziers. Après la loi immigration qui a fait le bonheur du RN, une autre joie attendait les droitiers de tout poil à l'entrée de quatre écoles publiques de la riante cité de Robert Ménard, 700 gamins affublés de l'uniforme, avec un édile tout sourire. Et ouais, Robert Ménard est hyper content. D'ailleurs, il félicite Gabriel Attal. Bravo à Monsieur Attal. Je trouve que son passage au ministère de l'Éducation nationale est un succès de A à Z. En plus, moi, je suis plutôt de droite. Et j'ai pensé que tout ce qu'il a proposé, c'est ce que la droite voulait faire. Donc bravo à Gabriel Attal de la part de Ménard, qui est hyper content que les jeunes soient habillés en uniforme. Et bien, à propos d'uniforme, une petite devinette qu'on trouve dans le Monde du 23 février. Devinette, imitation de défilé militaire. Uniformes et armes factices pour les plus jeunes, cours de préparation militaire obligatoire pour les plus âgés, les programmes scolaires conditionnent les enfants et servent à tester la loyauté des parents. Et la question, en fait, c'est de quoi parle-t-on, quoi ? Parce que si on parle de Robert Ménard, si on parle du SNU, si on parle de faire chanter des trucs religieux à des jeunes, en fait, non, le monde, il parle de, évidemment, la Russie propagandiste de Poutine, dans laquelle, effectivement, les jeunes sont de plus en plus soumis à une militarisation de leur vie, quoi. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, on parle pas du tout de la France où on voit exactement la même chose. Donc d'un côté, c'est bien pour l'État, pour l'engagement des jeunes, etc. Et de l'autre, c'est de la propagande. D'ailleurs, pour enfoncer le clou, si on retourne sur défense.gouv.fr et qu'on lit l'article du même jour, tiens, je crois qu'il date du 23 février aussi, mais c'est sur défense.gouv.fr, mais bon, c'est un peu la même chose. On peut lire ceci. La vigueur des forces morales des soldats ukrainiens est d'abord due au fait qu'ils défendent leur mère patrie, mais aussi à la cohésion, la mobilisation et la résilience de la nation entière qui fait corps derrière ses soldats. Depuis 2 ans, l'Ukraine nous montre que dans un conflit de haute intensité, être et durer n'est possible qu'avec une nation unie derrière soi. Bon, c'est un peu un secret de polichinelle qu'à l'armée on est un peu nationaliste, mais du coup c'est assez drôle de voir, par exemple, 2 articles. Un du Monde qui cite la propagande russe, et l'autre de défense.gouv.fr qui fait exactement la même chose que la Russie. Alors, les forces morales, la mère patrie, etc. Toujours, tant qu'on parle d'uniforme, on avait déjà parlé de l'entreprise Anytex près de Rouen, qui, avec Kraft Company, était très très fière de fabriquer les futurs uniformes pour Wauquiez. Eh bien, un article du Progrès du 26 février nous délivre 2 autres noms d'entreprises en nous disant que l'usine Anytex a fini de faire les tissus et que ça va être assemblé par Kraft Company, mais aussi par Ithac, I-T-H-A-C, qui est à Riorges, et enfin par Ligne Directe, c'est le nom d'une entreprise qui, elle, est plus dans la Loire, qui est à Décines, près de Lyon. Voilà, c'était un peu pour les actus locales. Pour les actus locales, on en a encore 2 autres. Ah mince, on dépasse un peu l'horaire. Mais on a encore 2 autres actus locales. Une à propos de Vernet-Caron. Un article de l'Usine Nouvelle nous dit que Vernet-Caron aurait dégainé trop vite et serait même fait taper sur les doigts par la DGA, par la Direction Générale de l'Armement, parce que, en fait, elle annonce fièrement que l'État français va l'aider à conclure un contrat avec l'Ukraine, je vous rappelle, sur la base de 36 millions d'euros. Et en fait, non. La DGA dit non, en fait, il faudrait que Vernet-Caron revoit un peu sa façon de faire. Il faudrait qu'elle prouve qu'elle est compétitive sur le secteur concurrentiel des armes de petit calibre. Voilà, donc en fait, non, on ne va pas se faire pousser pour accepter un contrat avec l'Ukraine. Donc il semble que ça serait mal parti pour gagner du blé sur ce conflit pour Vernet-Caron, mais on sait qu'ils vont essayer de vendre leur engin de mort un peu partout où c'est possible. Bon, ils ont essayé l'Ukraine, on va voir si ça marche, mais ça semble mal parti. Après, il y a tout un tas d'autres régions ou de dictatures où ça ne les dérange pas de vendre du matos. Et d'ailleurs, en parlant de vente du matos, c'est toujours dans la Loire, c'est un article du numéro 0.info qui nous dit ça, que l'entreprise Rivolier, basée à Saint-Just-Saint-Rambert, a conclu un contrat pour 1,5 million pour équiper la police municipale de Saint-Thé de tenues vestimentaires, accessoires et chaussures. Voilà, 1,5 million d'euros, c'est pas mal. Et l'article nous dit qu'il équipe aussi la police municipale de Toulon, de Nîmes, de Cagnes-sur-Mer, tout ça pour pas mal de pognon aussi. Donc Rivolier à Saint-Just-Saint-Rambert. Et dernièrement, on vient d'apprendre aussi que Rivolier et dans l'avis d'attribution de l'appel d'offres suivant, acquisition de monoculaires, de bimonoculaires, de jumelles thermiques et leurs accessoires au profit de la gendarmerie et de la police nationale. Alors, c'est bizarre parce que si on va sur le site de Rivolier, En fait, qui sommes-nous ? Depuis 1830, Rivolier sélectionne un ensemble de carabines, de fusils d'optique ou d'accessoires de chasse ou de tir de qualité. Nous nous mettons au service des passionnés de la chasse et de tir en proposant des produits novateurs. Chasseurs de petits ou de grands gibiers, huttiers, amateurs de safari ou tireurs sportifs, vous trouverez forcément ce qu'il vous faut au sein de nos gammes. Voilà, et ben, les amateurs de gros gibier, ce sont aussi la police et la gendarmerie qui ont acquis pour... Alors, j'ai pas réussi à faire une somme exacte, mais entre 8 et 12 millions d'euros pour acheter des jumelles thermiques et leurs accessoires au profit de la police et de la gendarmerie. Et ils se disputeront le marché qui est en tout de 22 millions d'euros avec une autre entreprise qui s'appelle Sunrock. C'est marrant, on dirait un peu Skyrock, c'est Sunrock. Mais non, Sunrock, en fait, c'est pas une radio, c'est une boîte qui bosse exactement, enfin qui bosse, et elle le dit clairement, elle bosse pour l'armement, quoi. Et elle va fournir aussi des jumelles et des trucs d'imagerie. Et eux, ils sont situés dans le 91, il me semble. Et ben voilà, on peut clore cette partie actualité, on a un petit peu dépassé. Est-ce qu'il restait... on a fait un peu vite. Pour respecter le timing, on va passer une petite chanson de Boris Vian, tiens, un peu. Ah, ou celle-là. On peut repasser La rue des Lilas en attendant. À bas l'armée, vive l'amitié, à bas la guerre et vive la lutte. Et vous pourrez retrouver à 19h la rediffusion de Plus fort, j'entends rien. Dans laquelle il y a aussi une interview faite par la machine à découdre au sujet de l'amicale de Beaubrun. Allez, à bientôt. Salut. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la ville sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite que soit la guerre. Maudit les chars, les fusils, les combats, je m'éteins dans la rue des Lilas. La rue des Lilas, la rue des Lilas.